What up? Mm-hmm. Hey, garde quoi? Just me. Starboy là. T'es mon maman! Mwen si la kou lò mwen tanen tapas. Mwen ni gasa depi wè lò mwen rada. Mwen wè la rempe an bi fè masas. Mwen ti maron da tout program mwen la dan. Frote, frote. La lamp man zik zeni la. Sete, sote. Mwen sa fè pè. Ayo mama, bikete sa. Bikete. Ayo mama, bikete sa. Bikete. Kase mama bedoni se sokola. Na pa timid fè de pose Dracula. Apre tout sa nou fini wè an badra. Tout di moun kriye akuna matata. Ta bous dan li kou modi. Piki a moun chik dan li kou modi. Ta fo wè li monti. Fè kou chik lò li pa monti. Ah ouè. Ki pe deroule la, les moun lou ken gout ki pe deroule la. Baguette man zi ka pe fè kata. Zi sa mè mou trouve pe deroule la. Balogé, demi-demi, c'est qui nous est. Tous lits, contre les sensibles, les j'ai viré. Ayo maman, béquette ça. Ayo maman, béquette ça. Ayo maman, béquette ça. Ayo maman, béquette ça. De base au café une campagne, prends pas d'y pouet poupette. Monté en kit, prépare à se compète. Il fait serrer la tête, prend les pompettes. Mais y'a bugué quand y'a vu la longue et le trompette. Ça est comme ça donc, et m'avait pas vu ça comme à moi. Allez doucement, allez pas profond comme à moi. M'y envoie donc, m'y envoie profond comme à moi. Où t'es veux voir où la vie est payée comme c'est comme à moi. M'y bête ou trafale dans son fat, poum poum. Bassin qui est max, c'est les voum voum. Catherine, il faut suivre, la basse il fait boum boum. Fait wow de toutes les couleurs comme la coiffe, doum doum. On va respecter à l'imidi, yo. Travaille à l'idée de minuit jusqu'à midi, yo. Sorte la masse et ou gain pi. Première fois, dernière fois, où la diamant ou gain pi. Oh. Ayo mama, bikete sa, bikete. Ayo mama, bikete sa. Ayo mama, bikete sa, bikete. Ayo mama, bikete sa. Ayo mama. Hey, c'est là c'est combiné. Réunion Maurice. Osso, JSP. J'ai viré. Timon. Yeah. What up? Hey, gardez quoi? Et qu'on se garde, garde bien.